Page 99. Activité 6. Piste 90. A. Il est petit. B. Emma est petite. C. Sophie a les yeux bleus de sa mère.